je veux pas faire allégeance pour tes principes idiots, ta morale, tes carences. Je veux pas ta république, ton armée et tes flics. Je veux crever dans ma nuit, loin de l'ordre établi. Dans tes prisons, on tue, on viole et on torture, au son de la Marseillaise, au nom de ta culture. Monsieur le Président, c'est vous qu'on nomme grand. Monsieur le Président, vous avez du talent. Florence a pris 20 ans, fauché dans sa jeunesse. Le canard est boiteux, il faut être mondain. Un sang contaminé pour des peines de principe. On crève du sida au nom de ta République. Tes amis sont les rois d'une Afrique enchaînée. Tu gifles la misère, tu détestes la fange. Monsieur le Président, c'est vous qu'on nomme grand. Monsieur le Président, vous avez du talent. Tu te sers du fascisme comme d'un épouvantail, à moins qu'un fleur poussé te conduise aux fiançailles. Ta droite se le pénise ou se de Villiérise. Ta gauche ne vaut guère mieux, elle porte tes valises. Les prisons du Maroc sont remplies d'innocents. On te nomme là-bas le bel indifférent. Monsieur le Président, c'est vous qu'on nomme grand. Monsieur le Président, vous avez du talent. Je veux pas ton drapeau, je veux pas faire allégeance pour tes principes idiots, ta morale, tes carences. Je veux pas ta république, ton armée et tes flics. Je veux crever dans ma nuit, loin de l'ordre établi. Dans tes prisons, on tue, on viole et on torture, au son de la Marseillaise, au nom de ta culture. Monsieur le Président, c'est vous qu'on nomme grand. Monsieur le Président, vous avez du talent. Monsieur le Président, c'est vous qu'on nomme grand. Monsieur le Président, vous avez du talent. Monsieur le Président, c'est vous qu'on nomme grand. Monsieur le Président, vous avez du talent.